Alors, de retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, Valérie va maintenant nous présenter un livre de vulgarisation scientifique sur l'énergie. Ce livre s'intitule « L'énergie au quotidien » et l'auteur en est Marcel Lacroix, qui est professeur à l'université, professeur de physique à l'Université de Sherbrooke. Et ce livre est paru cet automne aux éditions Multimonde. Alors, Valérie? Oui, alors effectivement, on reprend le programme de l'émission à son début. Là, oui, effectivement. On termine par le début. Donc effectivement, c'est un livre très abordable et qui se lit tout seul pour trois raisons. Alors la première, c'est que l'auteur aborde de façon très concrète l'énergie nécessaire à faire avancer une voiture, par exemple, l'énergie à faire fonctionner un ordinateur, même un grille-pain, plein d'objets comme ça de notre vie quotidienne. Donc c'est quelque chose qui nous parle. Ensuite, il nous parle aussi... De l'énergie consommée chaque jour par un Canadien. Et il fait des comparaisons avec les autres situations dans le monde. Donc ça aussi, c'est des choses qui ne sont pas évidentes à se représenter. On pense à l'énergie qu'on peut mettre dans la voiture, dans le grille-pain, mais globalement, combien d'énergie on dépense chaque jour, et nous, individuellement, mais même pour toute la société, l'énergie, bon, pour construire les routes, etc., on en a chacun une petite part. Donc, il fait un calcul comme ça. Donc, c'est des aspects assez inusités, je dirais. Donc, si je comprends bien, c'est un livre qui s'intéresse à tout le monde, là. Oui, exactement. Ça s'intéresse à tout le monde. Puis, il aborde aussi des thèmes qui sont entièrement d'actualité, comme l'efficacité énergétique, l'énergie et l'environnement. Ah ben oui, on sait qu'il y a des impacts, hein, les gaz de schiste et l'environnement, il y en a plein. Donc, c'est vraiment un livre qui se lit tout seul. Et en fait, la deuxième raison pour laquelle le livre se lit toujours tout seul? Oui, alors c'est parce que l'auteur aborde aussi la question de l'énergie, comme je disais, de façon parfois inusitée. Donc oui, combien d'énergie il faut pour faire fonctionner un grille-pain, mais aussi combien d'énergie il faut pour faire fonctionner le corps humain. Ah ben oui. Donc chaque on pense jour, jamais à ça, c'est mais... ça. Bon, on a un moteur interne, là, on a un métabolisme. Ça, nous brûlons combien de calories, puis combien il faut lui en donner aussi pour que ça marche. Et puis, chose encore plus curieuse, si cette même quantité d'énergie est utilisée pour alimenter une ampoule électrique, combien de temps elle va briller? Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui suscitent notre curiosité. C'est assez curieux. Ouais. Du genre, par exemple, comme notre métabolisme est équivalent peut-être à une ampoule de 60 watts. Peut-être, oui, puis qui sera Repos, c'est ça exactement. Puis si on prenait notre énergie que nous dépensons chaque jour et qu'on l'utilise pour alimenter une ampoule de 60 watts, combien de temps ça va permettre à l'ampoule de rester allumée? Ah ben oui, c'est un fait. Donc si vous voulez la réponse, il faudra lire le livre. Et c'est un fait que c'est réel, tout ça, parce que quand on est plusieurs personnes dans une pièce, les personnes chauffent la pièce. Ça chauffe la pièce, oui, exactement. Fait, on est peut-être tous des radiateurs à 37 degrés après tout. C'est ça, effectivement. Bon, également, façon inusitée d'aborder la question de l'énergie, combien il faut d'énergie pour fabriquer un litre de vache? un litre de lait ou un kilogramme de viande, une aile de poulet, ça va demander combien d'énergie. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on parle plus d'énergie électrique ou d'énergie sous forme, en fait, comment je pourrais dire, d'énergie chimique là, Oui, ben en fait, il parle de transfert, de la transformation possible de l'un en autre. En l'autre, c'est okay. ça, exactement. Bon, il parle aussi, évidemment, des énergies renouvelables qui sont peut-être pas toujours si durables que ça. Il fait une distinction là-dessus. Donc, par exemple, les énergies, quand on parle, par exemple, de cellules, d'énergie solaire, de cellules photovoltaïques, si c'est construit avec des terres rares, c'est pas si durable que ça. Parce que c'est pas des ressources renouvelables, le silicium ou autres matériaux, autres fer ou autres matériaux qui entrent dans la fabrication des cellules photovoltaïques. Je suis d'accord avec toi, mais moi je pensais qu'une cellule photovoltaïque durait très très très longtemps, mais je ne suis pas si sûre que ça, que ça dure ça si longtemps que ça. Ouais. Ok. Aussi, donc effectivement, c'est un problème. Oui, aussi autre, bon ça fait partie des, je ne peux pas énumérer tout ce qu'il y a dans son livre, mais un autre concept aussi intéressant, ou du moins il remet des fois certaines idées un petit peu à l'endroit. Okay. Donc par exemple, il parle à un moment donné de la densité énergétique, donc en gros c'est le rapport entre la quantité d'énergie produite par une centrale nucléaire, une centrale thermique ou une installation, une ferme éolienne, par rapport à la surface. Donc dans le cas d'une centrale thermique ou d'une centrale nucléaire qui produisent beaucoup d'énergie sur une petite surface, dans le cas d'une ferme éolienne ou alors même de panneaux solaires, ça prend énormément de surface pour réussir à produire la même quantité d'énergie. Donc le rapport est beaucoup moins intéressant. Puis on, d'ailleurs, on entend parfois que si on voulait alimenter bon, tout un pays ou toute une province en énergie éolienne, il faudrait couvrir le territoire. La superficie du pays en entier. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'hydroélectricité est encore moins, le rapport est encore moins bon. C'est encore plus, oui, c'est ça, il faut encore plus de surface. OK, parce qu'évidemment, on prend toute la surface des bassins versants. En tout cas, du réservoir au moins, on inonde une bonne partie. Donc le rapport est encore moins bon, c'est ça, pour le... Ouais. Oh. Donc ça remet comme ça des choses... Qu'on pense pour acquis. C'est ça, exactement. Et puis, enfin, troisième raison pour laquelle le livre se lit tout seul, c'est que, à plusieurs fois, j'ai vraiment éclaté de rire. Et là, franchement, c'est la première fois que je lis un livre de vulgarisation scientifique en pouffant de rire. Alors, par exemple, juste quelques petites remarques comme ça. À un moment donné, il compare l'énergie que ça prend pour prendre une douche ou pour prendre un bain. Bon, évidemment, si on prend une douche, normalement, on consomme moins d'eau, donc moins d'eau à chauffer, ça prendra moins d'énergie. À moins de prendre une douche d'une demi-heure. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est ce qu'il dit. Okay. Mais aussi, à la fin, il termine son paragraphe en disant... en posant la question, qu'est-ce qui se passe si on prend une douche à deux? Est-ce que ça va être plus rentable? Puis là, il avoue que c'est au-delà de ses compétences. Donc forcément, c'est des petites phrases comme ça qui jalonnent le livre et qui font rire. Aussi, un autre exemple, là, c'est tout un encadré qui traite de la valorisation énergétique des gaz intestinaux. Et c'est sérieux, il y a des calculs, il y a des donc il arrive à un résultat pour l'humain et aussi pour les bovins. Pour l'humain, ce serait pas très rentable, mais c'est un peu plus rentable pour les bovins, sauf que le problème, il s'agit d'aller capter le gaz à la source, et là il demande naïvement si on a des suggestions. Des sondes. Donc il y a des éléments comme ça dans le livre qui régulièrement, c'est plus fort que nous, ça nous fait pouffer de rire, et c'est quand même assez fort de lire un livre de vulgarisation scientifique qui fait rire. Mm-hmm. Mais c'est une bonne question, parce que dans le fond, ces gaz, on pourrait les brûler puis obtenir en fait de l'énergie, et ça diminuerait aussi la quantité de gaz à effet de serre, parce que double c'est intérêt, ça. C'est effectivement. Ça. Oui. Donc j'ai trouvé que c'est un livre que je recommande finalement. Donc je rappelle que c'est un livre qui s'appelle L'énergie au quotidien. C'est écrit par Marcel Lacroix. C'est récemment paru aux éditions Multimonde. Alors, merci beaucoup, Valérie, pour cette suggestion de lecture. Alors, donc, il s'agit du livre L'énergie au quotidien, en fait, comme tu le disais, écrit par Marcel Lacroix.